이렇게. ça marche. Ça fait penser à... Écoute. Attention. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. J'ai tellement de fenêtres où... Alors, 15, 32... On est en 32, là ? Attention. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Calendjian. Avec l'ami Bill Valentine, sauvé de justesse des crocodiles. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. sur le piano. Est-ce que vous faites trop de bordel là? C'est pareil que le piano. Piano. Alors attends. Bah, il n'y a plus de piano. Il s'appelle Mr. Caligio. Avec la nuit, Bill Valentine. Sauvé de justesse des crocodiles. Stop au trafic des Caraïbes. Escalade en opération. Le cœur tendre dans le lit de l'histoire. l'ombre s'appelle pour moi. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Calico. Là j'étais à fond, j'ai un grand fan d'Indochine. Avec moi. Ça craque l'ordinateur. ça va être aigu ça. Allez, attends, j'essaye celui-là. Attends, j'ai perdu les paroles. Ça va un petit peu vite, mais c'est pas grave, on l'a divisé par deux, je crois. Faut que je vois les mesures. Tac. Attends, ça va être trop aigu là. Je vais revenir. Attends, j'essaye juste la tonalité. Et viens, ne pars plus. Attends, ça fait ça. Je suis sans capot. Et viens, avec moi, ne pars plus sans moi. Ça va vite là. Et viens. Avec moi, ne pars plus sans moi. Oh, viens, reste là. Viens se tromper. Oh, viens, reste avec moi, ne pars pas sans moi. Oh, viens, reste là, ne pars pas sans moi. Mais putain, j'arrive. La massacrer. Ah, ah la Sharon. Alors pour faire plaisir à Sharon, il faut lui jouer. Oh, oh, il faut que je peux. Hein, Sharon. C'est comme ça. Allez. La la la la la la la la la la. Je ne veux pas t'abandonner, bébé. C'est comme ça. Thank you.